La levée des sanctions ne peut pas condamner le Mali, pas du tout. Les peuples, il faut comprendre, les peuples ne sont pas des ennemis. Le peuple de la Côte d'Ivoire et le peuple du Mali, ce sont des peuples frères. On n'est pas des ennemis. Donc la vigilance appartient obligatoirement à nos dirigeants maliens qui savent exactement tout ce qu'ils étaient en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire depuis qu'ils ont commencé la libération du Mali. Donc le véritable problème ici, c'est que l'Occident veut se débarrasser de notre digne président patriote Assimi Goïta pour, à travers la France et à travers Alassane Ouattara qui exécute les ordres de la France. L'Occident veut se débarrasser du digne président patriote parce que l'Occident prépare une troisième guerre mondiale. Afrique Média, le monde, c'est nous.